J'ai visé le cœur, je l'ai eu. L'être humain est cru, une fois entre tes jambes, plus de marche arrière, nique les barrières, pH, fuck la dot. T'étais où toi quand je grattais des clopes, quand je fumais des spliffs, quand c'était de la com, quand j'avais l'angoisse au rebeu des ardoises, plus de flèches à mon arc, plus de sable dans l'armoire. Le taureau par les cornes, l'aigle par les plumes, l'homme par les couilles, la femme par les thunes. Faut pas que je doute, faut que j'avance, mais les bouchées doubles avec les dents devant. Celle dans ma bulle flash, red bulle fonce, et je me balade malade au sens du vent. Brosse-moi sans qu'on brosse la bête, coup de croche, te casse l'os de la tête. J'ai cassos contre le bénéfice de la quête, j'ai cassos contre le bénéfice de la quête. Brosse-moi sans qu'on brosse la bête, coup de croche, te casse l'os de la tête. J'ai cassos contre le bénéfice de la quête, j'ai cassos contre le bénéfice de la quête. Ce matin, ce matin. Un jour ou l'autre tu payes, un jour ou l'autre tu meurs. Connaissance d'une heure, veux me connaître. Je me livre pas pour te dire, j'ai du mal avec l'être humain pour être honnête. J'irai frapper plus fort pour qu'ils comprennent. J'irai vider leur sang, du moins tout ce qu'ils contiennent. Tendu du talon pour ne pas qu'ils reviennent. Fierté du daron qui coulera dans mes veines. Ce matin je vais changer, je vais devenir un homme meilleur. Plus me prendre la tête, j'écoute pas les gens, je fais partie des meneurs. Pas de ceux qui se la pètent. Brosse-moi sans qu'on brosse la bête. Coup de croche, te casse l'os de la tête. J'ai cassos contre le bénéfice de la quête. J'ai cassos contre le bénéfice de la quête. Brosse-moi sans qu'on brosse la bête. Coup de croche, te casse l'os de la tête. J'ai cassos contre le bénéfice de la quête. J'ai cassos contre le bénéfice de la quête. Ce matin, ce matin, je me dis que l'avenir m'appartient, c'est certain. Tant que le